attaquer mon liquide. Je veux voir papa tout en wifi. J'ai pas encore relevé ma cagoule, mais la fan veut déjà un selfie. Je quitte pas la zone quand je suis sur Berry. J'ai mon Percy, y'a un souci. T'es ma jeune fille, c'est nous les mecs d'ici. Qui me fait sourire bêtement. Tu sens la moula à l'odeur de mes vêtements. J'ai viscère en été, en automne, au printemps, en hiver. Donc d'arrêter, je crois qu'il est peut-être temps. Je suis dans une salade, le magistrat prolonge 24. Sous THC dans un 4x4. Et quand je suis pas là, je suis au charbon comme un pack-pack. Je tiens le sac de potes comme un jetpack. Je ressens les vies vraiment dans ma tête. On se remplit les poches pendant que tu t'embêtes. Chez nous, on fait pas la fête. On est dans les blocs ou dans les enquêtes. J'ai besoin d'un coup de flamme, pas d'un coup de foudre. On préfère les armes, les tours de kung-fu. On gère le commerce comme dans un carrefour. On éteint les commères, les batches, les carrefours. Coup de bord, gardable, dépôt, placard, je veux pas de cette vie. J'ai pas encore claqué mon liquide, je veux voir papa tout en lui vie. J'ai pas encore relevé ma cagoule, mais la fan veut déjà un selfie. Je quitte pas la zone quand je suis sur Berry. J'ai mon Percy, y'a un souci. T'es ma jeune fille, c'est nous les mecs d'ici. À pied de trafic, c'est nous les mecs d'ici. Coup de bord, gardable, dépôt, placard, je veux pas de cette vie. J'en boutis sur Paris, je bosse la vie pour centrer les fans, ils me reconnaissent. Asselé dans la Cayenne, je vais claquer un salaire, je me refais un showcase. Je suis pile au poignet, madame fait une Rolex. Je fais crier le moteur, elle a kiffé le modèle. On trafale en moto, pas le temps pour le poème. Les gars prennent en photo, la cité sous ses ailes. C'est faire la banane, en plus on est pas mal. J'ai chargé le police, j'ai fait sans lice à ras. Tout dans la mentale, j'ai le cœur d'un pirate. On défonce ta portière, on laisse aucun miracle. Coup de bord, gardable, dépôt, placard, je veux pas de cette vie. J'ai pas encore claqué mon liquide, je veux voir papa tout en lui vie. J'ai pas encore relevé ma cagoule, mais la fan veut déjà un selfie. Je quitte pas la zone quand je suis sur Berry. J'ai mon Percy, y'a un souci. T'es ma jeune fille, c'est nous les mecs d'ici. À pied de trafic, c'est nous les mecs d'ici. Coup de bord, gardable, dépôt, placard, je veux pas de cette vie. T'es ma jeune fille, c'est nous les mecs d'ici. Les vrais voyous s'habillent en costard. Dans le business au cahier parenté. Si tu l'arranges pas, il dira que t'es un bâtard. Des fois je veux claquer tout ce que j'ai coffré. Car je me dis que je pourrais mourir demain. Mais je pense aussi l'inverse. Il faut pas que je fasse le con. Je veux compter jusqu'à avoir des crampes aux mains. T'as appris que c'est de la bonne par les échos. Et ils t'ont pas menti, c'est de la patate. Je suis à Jacques quand j'écris zéro substance. J'ai juste pris un mélange chez le PAC4. Je suis avec IDS dans la 6. On s'est fait ce G5, on tartine sur la A4. Moi je suis pas patient, je compte jusqu'à 3. Je descends avec des deux faire un 1-1. Coup de bord, gardable, dépôt, placard, je veux pas de cette vie. J'ai pas encore claqué mon liquide, je veux voir papa tout en lui vie. J'ai pas encore enlevé ma cagoule, mais la conne veut déjà un selfie. Je quitte pas la zone quand je suis sur Paris. J'ai mon Percy, y'a un souci.